Viens l'harmonica, j'aime bien ça. Carré, elle n'est pas carré ma batterie. Voilà, ça va partir sur le 1 normalement. Ah, c'est bon. Je sais pas, propose. On improvise, on s'en fout. En fait, on part à zéro, on fait ce qu'on veut. On est libre. Allez, yo-yo, vas-y, balance une balle. Là-dessus, hein. Ça va décaler. Ouais, attends. Attends. Regarde. Je vais donner les accords. Hein. C'est quoi ça déjà? Attends. Ah, il y a une batterie là. J'enlève la batterie. Alors les accords. faire. Ah, c'est quoi celui-là là? Si je me trompe pas, c'est un si. Hein. Vous allez me dire si je me trompe. Et après, j'ai... Voilà. Donc ça fait ça. paupières. C'est souvent que j'essaye de faire ce truc. Enjoy the silence. Enjoy the silence. Enjoy the silence. Enjoy the silence. Warmth of your c'est ça? Ouais? Essayez une dépêche mode. Enjoy the silence. Par contre, je sais pas si c'est les bonnes, s'il y a bonne mesure là. Alors attends, que je vois les mesures et les paroles. Alors attends. Les paroles. Je vais passer par tirer un. Ok, ça va être ça, les accords. Vous voulez les accords? Benjamin. Mais j'arrive pas à faire le refrain, on va faire le couplet maintenant. Je suis obligé de partir à un Isa. Si. Avant. Attention. La pression. Eh ben ouais, c'est vrai, en plus, elle est un peu massacrée. J'adore ce morceau, mais bon. S'il y en a qui font la musique, moi j'arrête la guitare, je chante, y'a pas de problème. Mais en fait, j'essaie de faire la guitare en même temps et je suis nul en chantant la guitare. Elle est belle, elle est belle. Allez, putain, allez, assure quoi. Assure, y'a du monde. Personne qui chante en plus, c'est dur tout seul. Je vais partir à un si, un ré. Wasn't very necessary. They can only j'ai fait ce que j'ai vu. Hein. Normalement, il y a Georgia qui chante. Et Georgia, elle est où? Where is Georgia? Sinon, je peux vous faire YouTube. Sauf que je suis nul en anglais, comme vous avez pu remarquer. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Les Anglais, les Américains, ils parlent jamais français, ils s'en branlent complètement de nous. Alors, on s'en... Vous verrez, il n'y a pas beaucoup d'Anglais, d'Américains qui parlent français. Ils s'en foutent. On a un tout petit pays, merdique. Nous, par contre, les Français, on les adore. Les Américains, les Anglais. Sorti de la mer. Alors, One love. C'est pas ça? One love. Bob Marley. Je me suis trompé, c'est pas ça. Chercher les paroles. Non, ils ont pas fait cette chanson, hein, YouTube. Yeah, gonna say, keeping on when they go. Still. be my pride. C'était YouTube qui chantait ça, je savais pas, alors que moi j'avais connu il y a très longtemps avec la jolie Sandra, qui est vieille maintenant, qui est moins jolie, qui est pleine de rides. Bloody Sunday. Ouais, mais ça j'arrive pas à chanter. J'adore YouTube. Non, non, non, non, non. C'est ça? Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Hello. Je suis nul en anglais, putain. Sunday, bloody Sunday. Je suis en train de chercher les paroles. I can't believe the news today. I can't believe Ma version, hein, Isa, je peux pas. Putain, ils sont tous cassés, ils en ont marre, quoi. Fais chier, Ben, cette chanson. En fait, c'est vrai que c'est un concept de bœuf, et que tu fais des chansons.